du masque, on m'en de vous, donc laissez-moi. J'ai peut-être des blèmes de rue, mais pas des blèmes de zou. Là, j'suis pas du masque, on m'en de vous, donc laissez-moi. J'ai peut-être des blèmes de rue, mais pas des blèmes de zou. J'oublie tout quand je fais ma vie. Y'a des bruits qui courent quand je tourne dans ma ville. Oui, j'oublie tout quand je fais ma vie. Y'a des bruits qui tournent quand je tourne dans ma ville. Y'a des étoiles dans le ciel que brilleront pour la vie. La vie n'est pas si belle. Fais gaffe à qui ton cœur abrite. Le soleil tape sur la pompe. Cassé sur le bateau. Fais pop pop. Un putain de pop pop. Avec tous les potos. C'est mon gars. Quand tu le sens que je t'aime, pas le fils de pute. Moi je t'ai jamais menti. Je t'ai jamais jugé. J'suis toujours allé droit au but. Et moi depuis petit, j'me débrouche dans mon tee. J'touille derrière mes lentilles. Et j'suis resté gentil. Et j'm'enjaille dans la loca, loca. Et j'm'enjaille dans la loca, loca. Ah, je deviens loco, loco. Ah, je deviens loco, loco. Et tout à l'heure, moi, je l'ai zappé. Maintenant, elle veut plus causer. Ça fait longtemps qu'on est posé. Fallait grandir, il fallait oser. Il fait le fou, il s'est fait croiser, froiser. Quand ça l'a croisé, sur bébé, il a tracé, se crasé. Il fait le fou, il s'est fait croiser, froiser. Quand ça l'a croisé, sur bébé, il a tracé, se crasé. Moi, je veux pas finir dans la presse. Les potes moi que moi, je cache mon adresse. Je veux pas que les gens, ils m'agressent. Au pire, je les guille en fait détresse. Qu'est-ce qu'elle aime, fait la tigresse. Je la calcule, moi, je pense à Y. Qu'est-ce qu'elle aime, fait la tigresse. Moi j't'ai jamais menti. J't'ai jamais jugé. J'suis toujours allé droit au but. Et moi depuis petit, j'me débrouche dans mon tee. J'touille derrière mes lentilles. Et j'suis resté gentil. Et j'm'enjaille dans la loca, loca. Et j'm'enjaille dans la loca, loca. Ah, j'deviens loco, loco. Ah, j'deviens loco, loco.